Chapitre 10e. Les bois de Felsenthal revêtaient ces belles teintes rouges et oranges qui prêtent au paysage d'automne sa suavité mélancolique. Déjà, quelques feuilles jaunies, tourbillonnant sous la bise, annonçaient les approches de l'hiver. Les rayons d'un pâle soleil se jouaient sur les premières neiges qui recouvraient les cimes rocheuses. Cette tristesse du dehors s'harmonisait bien avec celle qui régnait dans le vieux château. Ludmi y était seule, ainsi qu'elle l'avait pressenti, ainsi qu'elle l'avait voulu. Ewald s'était incliné devant sa décision. Libre, il s'était hâté de retourner à la résidence et aujourd'hui, la réconciliation entre la reine et lui paraissait complète. Ils avaient mis de côté les griefs et les rancunes d'autrefois, et ils marchaient résolument contre l'ennemi commun. Sous cette unité de direction, la situation se détendait. Il était permis d'augurer que des jours plus prospères allaient luire. Pour Christiane aussi, l'accalmie venait après l'orage. Eric, ramené aux réalités poignantes par la mort de son fils, semblait faire un retour sur lui-même, reprendre sa dignité de souverain et d'époux. La baronne de Plaquehorn avait été éloignée de la cour, aucune autre n'occupait sa place. De toutes parts, l'horizon s'éclaircissait et Ludmi, dans sa retraite, souriait presque consolée en songeant que ce meilleur état de choses était son œuvre. Par Olaf, elle demeurait au courant de ce qui se passait à la résidence. Dès les premières semaines de son retour à Felsenthal, il eût voulu venir l'y retrouver, s'assurer par lui-même qu'elle résistait au brisement de la séparation, mais elle s'était effrayée à la pensée de le revoir si tôt. « La secousse a été bien dure, » avait-elle répondu. « J'ai besoin d'être seule pour ressaisir mon équilibre. Bientôt cependant, bientôt, j'espère vaincre en moi cette douleur farouche. Alors je vous appellerai. » Olaf s'était soumis. Mais Ludmi lui permettait de lui écrire, et il le faisait souvent, avec un charme d'affection contenu qui était pour le cœur de la malheureuse enfant le plus efficace des baumes. Dans chaque mot, dans chaque sentiment exprimé, il trouvait le secret de la relever à ses propres yeux. Jamais il ne lui faisait l'injure d'une parole de tendresse. Il s'adressait à elle non pas comme à une femme qu'on aime, mais comme à une femme qu'on estime par-dessus tout. Et à la lecture de ces pages confiantes et sérieuses, Ludmi éprouvait un apaisement ineffable. Elle n'était donc pas perdue sans rémission, puisqu'il la respectait encore. L'amitié d'Olaf, celle de la Bereichart, il lui fallait ce double appui, pour qu'elle résistât à l'envahissement du désespoir. À toute heure, elle était aux prises avec sa nature ardente et absolue, si prompte à accomplir un acte d'héroïsme, mais sachant mal se conformer aux exigences des petits devoirs, des petits sacrifices quotidiens. Et pourtant, elle les pratiquait avec une docilité persévérante qui faisait l'admiration secrète du saint prêtre qui la guidait. Elle réagissait contre la tentation de céder lâchement à son chagrin. Elle en écartait jusqu'à la pensée. À quoi bon cette stérile et troublante analyse? Et jour par jour, on la voyait dans le hameau, parmi les humbles et les petits, écoutant le récit de leurs peines, consolant leurs misères, ces misères matérielles qui lui semblaient si légères à supporter auprès des autres. Ah, combien elle enviait ces soucis qu'un peu d'or allégeait, ces larmes toujours prêtes à couler et que séchait une bonne parole. Le soir, elle revenait d'un pas lassé, sans retenir même un peu de la joie qu'elle avait répandue, et s'arrêtant à la petite chapelle, elle y demeurait longtemps, le front appuyé au marbre du sarcophage, non plus, comme jadis, noyée dans les saintes extases, mais courbée vers la terre, dans l'excès de son abaissement. Les semaines, les mois se passaient ainsi, sans qu'aucun incident vînt en rompre la monotonie désolée, et peu à peu, un engourdissement se faisait dans toute sa personne. Les crises nerveuses étaient plus rares, les accès de fièvre moins violents. Elle s'affaiblissait sans en avoir conscience. Parfois, elle se prenait à espérer qu'elle perdrait jusqu'à la faculté de souffrir. Mais à la fin de l'hiver, une lettre du duc de Leuven vint la tirer de sa torpeur. Elle s'était crue morte à toute émotion terrestre, et voilà qu'un seul mot dissipait l'illusion, lui démontrait combien elle était encore vivante dans sa tombe et sur quelle frêle base reposait sa résignation. Ewald se mariait. Elle avait bien lu, bien compris, c'était Ewald qui se mariait. Si peu de temps lui avait suffi pour oublier leur amour, cet amour qui desséchait en elle les sources de la vie. Sans doute elle s'était dit quelquefois que cette chose monstrueuse pouvait arriver, mais elle ne l'avait entrevue que comme une possibilité lointaine, très obscure. Et maintenant, cette vague menace devenait une réalité immédiate. Demain, il serait à une autre. Oh, c'était trop tôt, beaucoup trop tôt. Dans sa déraison, elle ne voulait pas se souvenir qu'elle avait tout fait pour le détacher d'elle. « Le prince se marie, » disait Olaf. « J'ai voulu que vous l'appréciez par moi plutôt que par les journaux. Il me semble que cela vous ferait moins de mal. Vous aurez un premier mouvement d'indignation que j'ai ressenti moi-même, mais à la réflexion, vous le jugerez avec plus d'indulgence. Je sais, de sources positives, qu'il a vivement résisté à cette idée de mariage, qu'il ne s'y est rendu qu'après de longues hésitations. Mais la raison d'État était là. On commence à se préoccuper de la santé du roi, elle décline visiblement, et il est peu à présumer que la reine donne un nouvel héritier à la couronne. Dans de telles conditions, il était nécessaire que le prince assurât l'hérédité de la dynastie. L'alliance qu'il contracte est essentiellement politique. L'archiduchesse Gisèle, fille de souverain, alliée à toutes les familles régnantes d'Europe, apporte à notre pauvre royaume de précieux éléments de force et de durée. Les avantages d'une pareille union sont indiscutables. Vous, qui avez su immoler votre bonheur aux intérêts de tous, vous approuverez sa résolution. » Olaf devinait juste. La colère de Ludmi tomba. Après tout, Ewald pouvait-il se vouer comme elle à la religion du souvenir? Elle l'excusait, elle pardonnait, mais ce coup imprévu lui enlevait en quelques heures tout le fruit de ses longs mois de patience. Il lui semblait qu'après avoir péniblement gravi une montagne escarpée, elle se voyait repoussée violemment en arrière, qu'elle roulait jusqu'en bas sans pouvoir se retenir. Oui, tout était à recommencer. Mais où en trouvait l'énergie? Elle n'essayait même pas. Elle avait cessé ses habitudes actives et charitables. Son unique occupation, et elle s'y livrait avec une ardeur maladive, était de rechercher dans les journaux ce qui avait rapport au mariage du prince. Comme le lui avait écrit Olaf, l'alliance projetée causait dans le royaume une vive satisfaction. Les feuilles officielles y applaudissaient à outrance. Celles de l'opposition approuvaient avec certaines réserves, mais toutes étaient unanimes sur le compte de la jeune archiduchesse. On vantait la perfection de sa beauté classique, la supériorité de son intelligence, le sérieux et la simplicité de ses goûts. On citait d'elle mille traits charmants, où la bonté du cœur le disputait à la finesse de l'esprit. On laissait entrevoir, enfin, que les convenances politiques n'étaient pas seules en jeu dans cette union, qu'elle avait eu pour cause déterminante l'irrésistible entraînement qui, dès la première entrevue, s'était manifesté entre les futurs époux. « Il est rare, disait un article hyperbolique, qu'un mariage puisse mériter à la fois les épithètes de raison et d'inclination. Mais pour celui-ci, nous pouvons hardiment lui appliquer les deux termes. Le coup de foudre se produit, on le voit, dans les régions supérieures tout aussi bien que dans les plus humbles milieux de la société. » Et Ludmi lisait tout cela. Elle y croyait, sans faire la part de l'exagération ou du parti pris. Elle y croyait parce que nous sommes toujours portés à admettre comme vraisemblable ce qui nous fait souffrir, et son âme, trop haute pour l'envie, n'en était pas moins douloureusement froissée. Il se maria, soit, puisqu'il le fallait, mais que son cœur fût à ce point d'accord avec son devoir. Malgré tout l'effort de son désintéressement, elle se sentait atteinte jusqu'au plus intime de son être. Dans ces tristes journées d'inaction, en proie à son idée fixe, petit à petit un désir grandit en elle, un projet qu'elle rejeta d'abord comme insensé, se précisait dans son esprit. Elle voulait revoir le prince. Elle voulait le revoir, et non seulement lui, mais aussi elle. Elle, la créature privilégiée qui allait devenir la compagne de son foyer, la mère de ses enfants. Sans qu'elle puisse expliquer le pourquoi de cette bizarre fantaisie, Ludmi sentait qu'elle ne renoncerait réellement à Ewald que lorsqu'elle le verrait à côté d'une autre. Qu'alors seulement, elle réaliserait qu'il ne lui appartenait plus et qu'elle pourrait se courber devant l'irrévocable. De toutes ses pensées, confuses au début, s'était dégagée une résolution définie. Elle s'adressa à Olaf. « J'ai besoin de vous. lui écrivit-elle, venez à Felsenthal. » Et dès le lendemain, il était auprès d'elle, lui, le fidèle des mauvais jours, dont rien ne lassait le dévouement. Mais en la revoyant, il ne put retenir un cri de détresse. « Le chagrin vous tue, Ludmi. Vous ne pouvez pas supporter cette affreuse existence. Je vous en conjure, laissez-moi vous emmener loin d'ici. »« Je suis bien changé, n'est-ce pas ? » dit-elle avec indifférence. « Il ne reste pas grand-chose de la Ludmi de Held que vous avez connue. Eh bien, le croiriez-vous ? Lorsque chaque matin, je constate que je suis un peu moins moi-même que la veille, j'ai comme un flot de joie qui m'inonde le cœur. Ne dois-je pas être reconnaissant à Dieu de vouloir abréger l'épreuve ?»« Ne parlez pas ainsi, » répondit le duc. « Vous avez, Dieu merci, bien des années devant vous, des années qui, malgré tout, peuvent encore être heureuses. »« Je crois que non, » dit-elle doucement. « Et si vous m'aimez, vous ne devez pas le désirer. Mais laissons cela. Je vous ai prié de venir ici pour vous faire un aveu. Je croyais être détaché de tout, au moment de tout quitter. Il n'en est rien. Quelque chose de la terre s'agite encore en moi. Un désir me poursuit sans trêve ni repos. C'est le délire d'une malade, peut-être, mais il faut que j'y cède. » Et plus bas, tandis que le sang afflue à ses joues, elle continua. « Je veux revoir le prince Ebald. » Olaf la regarda avec stupeur. « J'ai mal entendu, » dit-il enfin. « Je ne comprends pas. Que prétendez-vous faire, Ludmi ?»« Je veux les voir tous deux, » poursuivit-elle. « Je veux connaître la femme qu'il a choisie, la femme qu'il aime, à ce que tout se répète. Je les regarderai de loin, ils ne le sauront pas, mais je partirai plus calme, lorsque je me serai forcé à constater que le passé est bien mort. Puis, en la voyant elle, je saurai deviner en quelles mains je le laisse, si je puis m'en aller tranquille avec la confiance qu'il sera heureux. » Tout cela n'est pas si déraisonnable. Vous m'aiderez, Olaf. Si vous me refusiez, plus tard, vous en auriez de la peine. » Les yeux du duc se mouillèrent de larmes. « Que voulez-vous que je fasse ? » demanda-t-il. « Je vous obéirai, en tout. » « J'ai bien réfléchi, » reprit-elle. « Si mes informations sont exactes, le mariage sera célébré à la cour de l'archiduchesse. » « Oui, » dit Olaf. « Il aura lieu le 10 du mois prochain. » Aussitôt après, les mariés viendront à la résidence. Ils se rendront aux Sommerschloss que le roi et la reine ont mis à leur disposition. C'est bien ce que je croyais savoir. Dès lors, tout est simple. Le prince et la princesse feront une entrée triomphale à la résidence. Ce jour-là, j'y serai moi-même. J'ai pensé que je pourrais me dissimuler sur leur parcours, dans quelques maisons d'où je les verrai, sans qu'on soupçonne ma présence. Vous comprenez maintenant. C'est cette maison qu'il faut que vous me découvriez. « La chose n'est que trop facile, » dit Olaf, après un moment de réflexion. « L'hôtel Leuven est dans l'avenue qui conduit au palais et que le cortège doit suivre inévitablement. Depuis la mort de ma mère, cet hôtel a toujours été fermé. Il serait ouvert pour vous recevoir. Votre projet ne présente donc pas de difficultés matérielles dans l'exécution. Mais laissez-moi vous le dire, il n'en est pas moins une imprudence et une folie. Vous êtes faible. Pourquoi vous exposer à des émotions inutiles et dangereuses ? Vous avez besoin d'oublier. Pourquoi réveiller de désolants souvenirs ? Croyez-vous que je ne me sois pas dit tout cela, et bien plus encore ? Dit Ludmi. Mais à quoi servent les raisonnements ? Je vous le répète, traitez-moi comme une malade. Une malade dont on satisfait les caprices, parce qu'on sent bien que l'heure est proche où elle n'en aura plus. Et Olaf cessa d'insister. La conviction atroce qu'elle disait vrai s'enfonçait dans son cœur à mesure qu'il constatait son dépérissement, qu'il entendait la petite toux sèche qui déchirait sa poitrine. Mon Dieu, il la voyait mourir et il ne pouvait rien. Elle ne voulait pas être disputée à la mort, elle ne voulait pas être sauvée. Il resta tout un jour à Felsenthal, et en dépit de la mortelle tristesse qu'il sentait sourdre au-dedans de lui, il éprouvait je ne sais quelle singulière douceur à être ainsi seul à seul avec Ludmi dans l'isolement du vieux château, où elle avait grandi et vécu, où quelque chose d'elle semblait flotter partout. Ils causèrent longuement, évitant les allusions pénibles, retrouvant par instants une lueur de gaieté. Ludmi s'intéressait à tout ce qui se passait à la résidence. Elle était heureuse de se faire répéter que les choses allaient mieux, presque bien maintenant, que l'accord qu'on avait craint de voir être éphémère se consolidait. Et ses traits délicats, resplendissait d'une joie impersonnelle lorsqu'Olaf lui disait comment Christiane puisait dans l'affection d'Éric le courage de reprendre à la vie. Un moment, pendant que le duc parlait de la reine, Ludmy avait hésité comme si elle retenait l'interrogation qui montait à ses lèvres, puis, baissant la tête, elle avait murmuré « À quoi bon? Il y a des pardons qui ne s'obtiennent pas. » Et brusquement, elle était revenue à la conversation, mais cette parole timide, ce regret inexprimé, devait se graver profondément dans la mémoire d'Olaf. Lorsqu'ils se quittèrent, tout était convenu entre eux. Ludmy arriverait chez le duc quelques heures avant la cérémonie. Le soir même, elle pourrait repartir pour Felsenthal. Un beau soleil de mai déversait ses rayons sur la résidence, corrigeant par sa clarté joyeuse ce que la ville présentait de maussade dans son aspect habituel. Les surfaces grises et uniformes des maisons, les façades lourdes et sans caractère des monuments publics, disparaissaient sous un pavoisement universel. Sur les places, au-dessus des arcs de triomphe, les drapeaux, aux nuances éclatantes, ondulaient sous le souffle des brises printanières. Dans les rues étroites des quartiers pauvres, les plus chétives bâtisses revêtaient un air d'allégresse grâce à leur simple décoration de feuillage, et partout un gai bourdonnement. Les cloches sonnaient à toute volée, les escadrons aux vives couleurs se dirigeaient d'une preste allure du côté de la gare, l'appel sonore de leurs trompettes se mêlant au grondement sourd du canon qu'on entendait comme un tonnerre lointain à intervalles réguliers. Sur l'avenue conduisant au palais, une foule en habits de fête formait une haie compacte, semblable à un immense essaim multicolore. La population tout entière était là, groupée depuis le matin, comptant pour rien la fatigue de l'attente, impatiente seulement de voir celui qu'elle aimait, de l'acclamer dans sa gloire. Ce peuple inconstant n'avait jamais varié dans son culte idolâtre. L'absence d'Ewald, son apparente désertion, n'avait pu amoindrir sa popularité. Et aujourd'hui qu'il revenait, qu'on le reconnaissait comme le souverain futur, c'était un paroxysme d'attachement qui allait tout à l'heure se traduire par une longue ovation émue. 2 heures sonnaient, il y eut un mouvement d'agitation. Une double canonnade avait retenti. Un drapeau se hissait au sommet de l'hôtel de ville. C'était le signal de l'arrivée du prince. De loin, on entendait les tambours battre au champ. On distinguait les casques étincelants des cuirassiers qui ouvraient le cortège. Les sons graves de l'hymne national remplissaient l'air de puissante harmonie. Enfin, tout au bout de l'avenue, apparurent les équipages royaux. Alors un frémissement parcourut l'assistance et des cris frénétiques s'échappèrent à la fois de toutes les poitrines. Par l'ordre d'Ewald, aucune escorte n'entourait la voiture découverte où il avait pris place à côté de la princesse. Ils avançaient lentement, bien à portée des milliers de regards curieux et sympathiques. Ils souriaient à cette foule qui se pressait sur leur passage jusque sous les pieds des chevaux pour les contempler de plus près, et de toutes les maisons, de tous les balcons enguirlandés, les vivats éclataient plus prolongés à mesure que l'émotion pénétrait davantage les cœurs. Au milieu de cet enthousiasme, personne ne songeait à remarquer une femme penchée à une fenêtre entr'ouverte, la figure cachée sous une dentelle et qui, haletante, suivait la marche du cortège avec une fixité si intense qu'il semblait que toute sa vie se fût réfugiée dans son regard. Maintenant la voiture était à quelques pas, et comme par une chance heureuse, subissait un moment d'arrêt. La princesse continuait à saluer autour d'elle avec une expression de surprise charmée. Soudain, son attention se porta sur un gamin aux joues roses, aux cheveux ébouriffés, qui grimpait sur un arbre, agitait ses petites mains, mêlant sa note stridente aux acclamations de bienvenue. Un attendrissement se peignit sur les traits de la jeune princesse. Se tournant vers Ewald, elle lui désigna l'enfant en prononçant quelques mots. Le prince regarda à son tour, puis tous deux échangèrent un sourire. Un sourire d'entente si complète qu'il suffisait à faire deviner l'union absolue des deux cœurs. Et la femme, penchée à la fenêtre, observait cette petite scène à travers les larmes qui l'aveuglaient. « Oui, murmura-t-elle, oui, elle est très belle, elle paraît bonne, et ils s'aiment, ils sont heureux, je ne regrette rien. » Derrière elle, une voix suppliante se fit entendre. « Ludmy, c'est assez. Vous avez vu maintenant, par grâce, ménager vos forces. Encore un instant, pria-t-elle. Cela ne me fait pas de mal. Du bien, au contraire. J'ai eu raison de venir. Elle regardait, fascinée par le spectacle de ce couple rayonnant à qui le ciel prodiguait tous les dons enviés des mortels. Jeunesse, amour, puissance. L'équipage, dégagé du remous des curieux, avait repris son allure lente et les yeux de Ludmie le suivaient toujours, toujours, jusqu'à ce qu'il fût devenu un point imperceptible et qu'il eût disparu sous la voûte du palais. Comme sortant d'un rêve, elle se retourna. Le duc était près d'elle, anxieux, décomposé. Ma pauvre enfant, soupira-t-il. Alors, saisi d'admiration en face de ce grand cœur, de cet amour sublime que rien ne rebutait, elle eut une explosion de repentir. Ah ! S'écria-t-elle, vous seul, Olaf, vous seul m'avez aimé. L'été est revenu. Les rouges-gorges gazouillent sous la feuillée. Le parfum des genêts se confond avec celui des jasmins et des clématites. Les épis mûrissants se courbent comme sous une brise invisible, attendant la faucille du moissonneur. Le silence paresseux de la campagne n'est interrompu que par le cri aigu du bouvreuil sauvage ou le frémissement étouffé de la source qui chante en descendant vers la rivière. Dans la demi-obscurité du grand salon de Felsenthal, Ludmie repose étendue. Depuis longtemps, 6 semaines, 2 mois peut-être, elle est couchée là. Chaque jour, elle est un peu plus faible, un peu plus épuisée que la veille. Mais elle ne souffre pas. La mort semble vouloir la prendre d'une main très douce. Et du fond de son cœur impatient de délivrance, elle remercie Dieu de lui faciliter le redoutable passage. L'abbé Reichardt est à ses côtés. Il ne peut plus conserver d'illusions. Tous les soins n'ont servi qu'à cela. Ludmie va partir comme Rita est partie. Mais il refoule ses pleurs. Il n'a pas le droit de s'affliger. Pour la femme terrassée dans la lutte, le poids de la vie n'est-il pas plus écrasant qu'il ne l'était pour la petite infirme? Aujourd'hui, ils se sont entretenus des grandes vérités qui transportent dans les régions sereines. Le prêtre, de sa voix grave, prononce des paroles d'espérance. Ludmie l'écoute avec une belle expression de paix recueillie. À ce moment, un bruit de roue crie sur le sable. Une voiture s'arrête devant le château. « Ce doit être le duc, » dit Ludmie. « Il m'avait promis de revenir bientôt. » La porte s'ouvre. C'est le duc de Leuven. Ludmie s'est soulevé et lui tend les mains. Il retient dans les siennes pendant que son regard inquiet l'enveloppe. « Comment vous sentez-vous, Ludmie ?» Elle secoue la tête avec un sourire résigné. « Pas plus mal, mais vous avez bien fait de vous hâter. Il ne fallait pas tarder trop. » Quelque chose dans la physionomie du duc l'a frappé tout à coup. « Que se passe-t-il donc, Olaf ? Qu'y a-t-il ? » « Rien qui doive vous troubler, » répond-il doucement. « Je ne suis pas venu seul, il y a là quelqu'un, quelqu'un que vous serez heureuse de revoir. » Elle se redresse. « Quelle est donc cette forme noire qu'elle aperçoit dans la pénombre ? Mon Dieu, ne rêve-t-elle pas ? Cette apparition qu'elle a vue si souvent pendant ce sommeil fiévreux ne va-t-elle pas se dissiper encore ? Mais la forme s'avance vers elle. Son nom est prononcé, elle voit des bras tendus pour la recevoir. Poussant un faible cri, elle s'élance et sa tête repose sur l'épaule de Christiane. Ses larmes se confondent avec celles de la reine. Le temps passe. Ludmie a entendu de douces assurances de pardon et de tendresse. Une joie divine la transfigure. Toute sa beauté lui est rendue à cette heure d'apaisement suprême. Et un fugitif espoir traverse la pensée de Christiane. Peut-être n'est-il pas trop tard ? Peut-être pourra-t-on la sauver ? Mais soudain, l'espoir s'évanouit. Non. Le rayonnement idéal de ce pur visage n'appartient déjà plus à la terre. L'âme seule survit en Ludmie, et lorsqu'au moment de la séparation, la reine l'attire dans un long baiser sur son cœur, elle sent, hélas, que c'est la dernière fois. Et que l'enfant coupable et repentante est marqué pour l'immortalité. Ainsi s'achève Raison d'État, Dive de Noli.